longueur d'onde, j'ai déjà choisi ma go. Pour mon pote, j'ai repéré une. Y'a du monde dans la salle, les trois quarts en la coste. Le DJ a ses platines, sa mixette et son vieux poste. Son vieux poste, c'est nos bons délires, on les a pas oubliés. Les bonnes soirées, y'en a pas, y'en a pas. Entre Jack, on donne ça à l'ancienne, comme au bon vieux temps. Pour nos potes et ceux qui traînent avec nous, c'est que le rappel du ghetto. Jackpot, jackpot, oh. Glisse ma belle, fais un signe au serveur, tous nos verres sont vides, vides, vides. On réveille à 15h, ça oui, je t'ai pas rappelé, mais personne te valide, lit, lit. T'as kiffé la serveuse, t'as pas laissé de pourboire, car tes poches sont vides, vides, vides. Je me barre d'ici, j'ai pas le temps de parler. Désolé, je suis speed, speed, speed. Tu fais pitié, fais pas la resta. La soirée est naze, désolé, on reste pas. Y'a pas d'avion de chasse, y'a que des Vespa. Faut leur mettre des filtres, comme sur Insta. Tu fais pitié, fais pas la resta. La soirée est naze, désolé, on reste pas. Y'a pas d'avion de chasse, y'a que des Vespa. Faut leur mettre des filtres, comme sur Insta. J'ai pris la guerre. DJ Case te mix tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Je suis plus doué que ces amateurs. Comment se fait-il qu'il soit aussi bon? Va-t-il prendre la fête? Tu crois me connaître, tu me connais pas, donc ne me prends pas la tête. Je vais te faire planer même sans pilon, enfoiré. Pas la même planète, pas le même filon, enfoiré. Aucun mytho, il a de chez nous, y'a aucun mytho. Aucun mytho, il a de chez nous, y'a aucun mytho. Petit millésime, petit millésime. خليك ليا تنادي راضي عليك النادي. أرضي أرضي وجبالي فيها تربي تانا. خليك ليا يا بلادي راضي عليك النادي. أرضي أرضي وجبالي فيها تربي تانا. بعد بحور زماني دور والغربة قد تمام. انا بكي نشكي واقول علاش عليا هاد الحاله. قطعت بحور زماني دور والغربه قد تالم. انا بكي نشكي واقول علاش عليا هاد الحاله. بركاني يا العالم اللي توحداني غريب وبراني كي ندير انا. فكرت بلادي وعيد النادي سهر ربي مدى انا. بركاني يا العالم اللي توحداني غريب وبراني كي ندير انا. فكرت بلادي وعيد النادي سهر ربي مدى انا. J'ai grandi entre Mohamed, Moussa et Abed. Trop fier d'être la fierté de mon bled. Salut au président, ça coule dansant comme dansant, piançant. J'ajuste la crosse en dansant, pensant au notre pays. Si avant l'âge tu vieillis, ils veulent donner des ordres, y'a que les vendus qui obéissent. Dans les gardes on s'éternise, on frappe à valet du rat. Les putains sont sternis, c'est que des meurs qui font bras. Y'a pas le drap, pas ton délire et on t'admirer. Mais n'a pas après, je m'en irai. Vivant, limpide, faut garder l'espoir. Comme nos grands-pères en première ligne, on défoie l'histoire. C'est un bizarre, écrit qui est en transe. Pour ceux qui quittent leur famille en sanglant, rentrant en France. On les tient là-bas et se confie à ta l'infini. Tu sais que le chef du chef il s'appelle Husni. Every

charisme. Sur la table, tu t'as que des maths élevées. Sapé comme jamais dans le bendo. De l'alcool, c'est de l'eau. Dans le carré, y'a qu'un col à gogo. Ça va finir au télo. Je fais la malade dans le carré vide. Toujours accompagné de mon équipe. Oui, mon équipe est de jolies filles. Et des gros bonnets dans des parisiens. Oui, j'fais la mala, mala, mala, mala, mala. Oui, j'fais la mala, mala, mala, mala, mala. Sans parler, ça mala, mala, mala, mala, mala. Et toi, la fesse, ça mala, mala, mala, mala, mala, mala. Les nouvelles, les vies, les bouillons, oui, j'coule les bleus. ويلي ويلي وعوجوك عليا واش هذا ناري ناري وفرقوك عليا واش هذا الفراق صعيب والربطة صغبية ليالي يالي بويا واش كلي بلا ويلي ويلي وعوجوك عليا واش هذا ناري ناري وفرقوك عليا واش هذا الفراق صعيب والربطة صغبية Des incas.

Snake Eyes. I'm Dans le VIP, ils ont tout cassé. passé. Battu sur la table pour tout casser. Comme ce voiturier t'as tout cassé. Amiga au platine. La banlieue de sortie. Grosse table au carré VIP. Y'a des bonnes meufs et du pif. Oula la la. Oula la la. Oula la la. C'est vrai. Oula la la. C'est vrai. En mode c'est ça le pignaton. Au platine de Skyrock. Rail Suprême, chaque dimanche soir, DJ Case est au contrôle, mais comme vous l'avez entendu, plus pour très longtemps. Ouais, ouais. Case, ce soir, on l'a dit, deux DJ dans Rail Suprême. Il y a quatre platines ce soir. C'est deux ça. DJ famous in the world. Comme on dit aux States, comment on peut dire au bled? Non, je vais le deux DJ Wear. Voilà, ils sont là avec nous. Amida est là ce soir, on a invité dans le Rail Suprême de DJ Case. C'est ça, voilà, il a sorti son album. Mix Party 2016. Sorti, donc allez choper ça. Toi, il arrive aussi le tien d'ailleurs. Oui, il va venir, ouais, avant l'été normalement. Qui s'appellerait comment DJ Case. DJ Case Mix Party. Ça arrive là avant l'été en tout cas, c'est aussi ça. Pareil. Vous avez écouté des morceaux respectivement, je suppose, non enfin, oui, surtout voilà, toi, des fois, on s'appelle, on se fait écouter les trucs et tout. Donc voilà, des sons d'ambiance, DJ pour l'été, et nous danser bien le faire. Amida, tu vas repartir dans un instant. C'est toi qui prends le contrôle des platines. Qu'est-ce qu'on va pouvoir écouter ? Beaucoup de mix parties ou d'autres ? Mix parties, un peu de tout, de tout mon parcours. Donc, je fais traverser un peu tout ce que j'ai fait durant ma petite carrière. Donc, voilà. Donc, il y a du boulot. Ne bougez pas. Et il y a surtout du plaisir pour tous ceux qui kiffent, ceux qui sont encore en vacances. Mettez le son bien fort. DJ Amida prend le contrôle de Rail Suprême juste après ça. DJ Case invite DJ Amida au platine de Rail Suprême sur Skyrock. Minuit, 2h. Rail Suprême. C'est Rail Suprême sur Skyrock. DJ Amida. Je veux pas m'éloigner ton sourire. Merci Skyrockets. Fais-moi confiance, elle s'en passe. Big Rai Suprême sur Skyrock. T'es dit Hello Exile. DJ Mixa, attention. C'est Rai Suprême sur Skyrock. Mix Party 2016. Skyrock. Back Nasty Skyrockets. DJ Case débarque avec DJ Amida en platine de Skyrock. Qui seront assis dans le car et comme c'est pas la fête, y'a ceux qui seront regardés et puis y'a ceux qui seront assis dans le car. En mode fiesta et pina colada, colada, colada. En mode fiesta et pina colada, colada, colada. En mode fiesta et pina colada, colada, colada. En mode fiesta et pina colada, colada, colada. Je brille dans mille feux, on l'a et dans mille. Et seulement sur Skyrock. C'est pas la fête, y'a ceux qui seront régalés. Et puis y'a ceux qui seront assis dans le carré. Et comme c'est pas la fête, y'a ceux qui seront régalés. Et puis y'a ceux qui seront assis dans le carré. En mode fiesta et pina colada, colada, colada. En mode fiesta et pina colada, colada, colada. En mode fiesta et pina colada, colada, colada. En mode fiesta et pina colada, colada, colada. Ça dune dans la piscine, fais pas la difficile. On oublie nos soucis, t'es dépassé comme X6. Les potos titubes en écoutant mon petit tube. J'suis posé dans le camp et j'ai mis l'habitude. Trop besoin de trop parler quand l'addition est salée. Pas de ceux qui vont râler quand la taille vaut un salaire. Ta goutte a vu chialer, elle vous a vu batailler. Cotiser à 16 pour une bouteille de vodka. Donc direction ma suite dans un gros bolide. D'être lâché sur le champ comme un brocoli. J'te raconterai pas la suite, je suis trop poli. Ce soir tout le monde est sur les champs pour un brin de folie. Et comme c'est pas la fête, y'a ceux qui seront régalés. Et puis y'a ceux qui seront assis dans le garé. Et comme c'est pas la fête, y'a ceux qui seront regardés. Et puis y'a ceux qui seront assis dans le garé. En mode fiesta et pina colada. Rai Suprême. Rai Suprême. Minuit, 2h. Sur Skyrock. En mode fiesta et pina colada, colada, colada. En mode fiesta et pina colada, colada, colada. En mode fiesta et pina colada, colada, colada. Et comme c'est pas la fête, y'a toujours ceux qui font recaler. C'est pas une liste pour gratter. J'suis pas un suceur pour les flatter. Rai Suprême sur Skyrock. DJ Case et DJ Amida au platine de Skyrock. T'as pas nagé si t'as pas pied. Il faut du booking, j'fais des papiers. Je ne traîne plus sur les paliers. J'vais finir ma vie sous les paliers. J'veux pas des fourragués. Arrêtez de me pousser à la faute. Skyrock, Skyrock, ne pense qu'à toucher le jackpot. Ce soir on va tout casser. Dans le vif ils ont tout cassé. Pas la cata pour tout casser. Camo ce vaturier t'as tout cassé. Amiga au platine a tout cassé. Reçu le poids au mic j'ai tout cassé. Avec lui c'est jamais assez. De Marrakech à Pattaya on va tout casser. Reçu le poids. Quoi j'entends. C'est Rai Suprême Skyrock. Sur ma droite j'entends. J'sais pas si t'as pas mon pote si t'as crafté. Ils veulent un tube, je vais les régaler. Dis ta Sylvanie, c'est pas recalé. Comme t'as les canardos, je vais m'en aller. C'est sûrement pas ma vie, je vais dévaler. Sortez Lyon-Mi, on sera calé. C'est trop une joie pour l'emballer. J'ai plus le temps de chialer. Sarbis, j'ai trop roulé ma poste. La on sera salé. Plus de balles, on en met des coups de crosse. Un feu soir, on va tout casser. Dans le film, ils ont tout cassé. Parti sur la carte pour tout casser. Car monsieur Vaturier, t'as tout cassé. Amiga au platine, a tout cassé. Reçoule toi au mic, j'ai tout cassé. Avec nous, c'est jamais assez. De Marrakech à Pattaya, on va tout casser. On Skyrock. DJ Kaze invite DJ Amida au platine de Rail Suprême sur Skyrock. Ouais, ma belle, tu te fais du mal. T'as prié pour ces lolos. Mon poteau, tu te fais du sale. Amida dans la sono. De la plage au club, tu plates. Ce soir, tu plates. Bélé, cause alcoolo. La soirée peut se finir mal. J'ai besoin. J'ai besoin d'air. Claquer la porte, partir et jeter la clé. J'ai besoin d'air. Couper mon fan et me barrer tous les Rail Suprême. Minuit 2h sur Skyrock. Et voir mes poteaux kiffer. L'odeur de la viande grillée. On est tous là pour kiffer. Je me suis déconnecté. J'ai laissé tous mes problèmes de côté. Je me suis déconnecté. Je me mettrai sur répondeur tout l'été. J'écouterai tout le Figgy. Tout le passe mon pas, c'est maudit. J'ai mis les bagages dans l'audit. Je vis sous le ciel gris de Paris. Mais je veux la même vue qu'à Bali. Le quotidien m'a rendu écrit. Donc je démarre la caisse. Les vitres et les lunettes fumées au feu rouge. Donne toujours à une petite pièce. Je débranche mes lèvres, je pousse, casse la tête. Dans le sud de l'Espagne, je pourrais faire la sieste. Ne m'appelle pas, je réponds plus. Un peu de weed, un peu de thune, je suis frais. Je me fais bronzer les plumes. Je coupe le son et l'image. Je fais un bisou au village. Dis là que j'ai pris le large. Je me suis déconnecté. À la Bronx, parti. DJ Amida, au platine de Skyrock. Rail Suprême, Rail Suprême, minuit, 2h, sur Skyrock. Quand ce froid fait trop gris, donc je me barre au Mexique. Cheveux bruns, yeux marrons, c'est moi danser comme David. Faut une Bentley pour le daron et une villa pour l'Alida. Warmida, Warreda, mec, mes salgés dans le béda. Dans mes concerts, c'est la guerre. Y'a plus de sterk, Canada, y'a plus de sterk qu'en Irak. J'fais plus d'oseille que Chirac. J'accélère dans le virage. Faut que les jaloux carrage, faut que le loto et son tirage. On compte que sur le coronet. Moi, c'est Mister UKS, toi, pas les vrais me connaissent. 30 litres de Khalidana dans ma valise. Mandalise de Nice, cette fois, j'ai on s'organise. Y'a de la CC, de la pelle, d'y'a de l'hamburger et des serrures, t'inquiète. La sortie, c'est sûr, même si la prison, c'est rude. Y'a de la deux, de la loup, y'a de la rouge, y'a de la chalba. Du pilote, la rappel, un big rap, le roll. Si t'es jaloux, n'a pas de zorbia, y'a pas de matelas. Sab le khira, non, non, moi j'suis pas de cela. J'suis dans la feubla, Karcha, tu connais le zobla. Les jaloux sont de partout. J'ai la famille, les amis, et même j'suis partouche. Au 4000, ton fils a mis la cartouche. On a ton permis tranquillou, on tourne en babouche. 2016, on va les traumatiser. J'vois jamais, mais fais comme si je disais. Ils trouvent tu bon, mais c'est pas ce qu'ils se disaient. Aujourd'hui, ils sont tous prêts à miser. Joséphine va peiner, vu que le représentant est chaud. T'as le gagné mystérieux dans la cellule, on a le réchaud. Mais la personne pécho, cette année on va qu'échaud. Mix party 2016, frérot, balance le show. Pas le vertige, c'est pas la paix. C'est pas... DJ Case invite DJ Amidao au platine de Rail Suprême sur Skyrock. Et tu m'écoutes, passe ton état le vertige, c'est pas le paix. C'est pas le paix. C'est pour ceux qui se tapent pour réussir. Et quand ta foi on le fait pour le prestige, c'est pas le haine. C'est pas le haine. Ça fait oh. Ma musique fait sauter la foule, fait danser les fous. Pour nous c'est la tôle, la FNAC ou téléfoot. Pour le prestige, découpe ça sur un 12. Ramène ton équipe, on fait ta dé. C'est pour celles qui bougent avec estime, m'écoute. Pas de tenter t'as le vertige, c'est pas le paix. Détends-toi, on a tout ce qu'il faut. Pour nous mettre bien, n'en fais pas trop. Détends-toi, on a tout ce qu'il faut. Pour nous mettre bien, n'en fais pas trop. DJ Hamida, on a tout ce qu'il faut. Pour nous mettre bien, n'en fais pas trop. Dis-la Pita, on a tout ce qu'il faut. Pour nous mettre bien, n'en fais pas trop. C'est pour celles qui bougent avec estime, m'écoute. Pas de tenter, t'as le vertige, c'est pas la paix. Amida au platine de Skyrock. Hey, Marocchino Uno, mec de Casa Negra, je suis sur la côte avec un V6, braquet rabat, rayon de soleil, Hamida dans le poids. On a pas sommé, mais ta valise dans le corps. Marrakech, Waharan, Hembembet, choisir, de façon c'est la même. Soit ça swing, ego, tag, on fait la guerre. Bah ouais, j'ai fraîche, bébé, attends, on fait la paix. Soir c'est danger, danger, danger. Ma gueule c'est pas, je reviens tous les ambiancer. 93 et puis une ville tanneuse. On casse la bouche de danse à la seule vapeur. Soit je suis dans le club, ego, lève ton verre. Nique où ta tête, c'est à la BMX party. DJ Hamida, nique bouge ton feu. Tu sors un petit pour les keufs, y'a un pétage. Dar Beda, California Love. Roule un pétage, fais crier la love. Pas de Renzet, ni des skinny à ma table. Chiche un monde pour mes beurre et bouillant sur mes sables. Fais pas style, tu nous connais, ton équipe te trappe. Tu seras jamais un gros bonnet, ton équipe te masque. C'est pour mes oranais et mes Tunsi. On n'est pas mauvais comme les Latravelsi. Si sœur du mois, tu es nous dans mon drape B. Marocain à la moitié, t'as et MC. Y'a un skulli pour les dames. حيتك بلادي مروك أنجي تونسي غادي نشوف أحبابي هذا اللالي هذا اللالي حبيبي عاداني هذا اللالي هذا اللالي ماشي لبلادي هذا اللالي هذا اللالي حبيبي عاداني هذا اللالي هذا اللالي ماشي لبلادي DJ Case en fait DJ Amidao au platine de Rail Suprême sur Skyrock. J'ai quitté le sol français. Dans l'avion je suis défoncé, pressé de voir mes tunes s'envoler. Pas d'heure, pas de game, on va tout claquer. Mon équipe est préparée. T'inquiète, on va aller. Les boîtes, les chichas, tout cramer. Restrer cette guerre, on sera validé. Tranquille la life, make this to be Marrakech. Tranquille la life, make this to be Marrakech. Prends ton billet. Rejoins-nous que si t'es fraîche. Je sais que tu m'as kiffé. T'aimerais t'en épouser. En fait bébé je pourrais pas me poser. Tu risques encore dans ta route. Dans la route, loin des emmerdes. Tranquille la life. J'ai pas dansé, mais je t'offre un verre. Tranquille la life. Tu dois des sous, mais tu m'es cher. Tranquille la life. Elle s'est mariée, je peux plus lui plaire. Tranquille. DJ Case et DJ Amida au platine de Skyrock. J'ai quitté mon taf de merde, j'ai plus rien à perdre. Cet été j'ai des sous à faire, j'fonce dans le noir mais j'y vois très clair. Posé dans le VIP je gère, lève tes mains en l'air. Comme en show j'enlève mes affaires, la gonzo finira par terre. Tranquille la life, Dakar, Phuket, Hammamet. Je croise la fille que j'aime, elle veut fumer, je l'emmène au set. Hello, c'est le Marocco. انا اليوم مع ديجي حميدة, انا اليوم مع البوندي, انا سميتي يوغاتاكا. ديجي كيس ديبارك مع ديجي حميدة و بلاتين دو سكاي روك. عيت الدودية اصطاد برشيد كازاغ محمدية, كراج على الزبادة ولا سلمية, ولاد بن حمان عايشين كمية. البوندي ميستيريو ديجي حميدة, خلاش فرتي موطور يعطيك سيدة, ولاد كازا صحب دار بيضة. هزو يديكم اليوم نايضة, وش تاع قنيطرة ممكن نسوفيس نطلع نتاما باش ننفس, ولا بودة فخاطر بيبي من نجيب مهدي ولا ياسين. انا اليوم مع ديجي حميدة, انا اليوم مع البوندي, انا سميتي يوكا تاكا, وفينا فينا اخواتي. انا اليوم مع ديجي حميدة, انا اليوم مع البوندي, انا سميتي يوكا تاكا, وفينا فينا اخواتي. يا البابور يا ماما وفينا فينا اخواتي. DJ Case et DJ Amida au platine de Skyrock. Je t'emmène un bout à canna, bou bou bou bou bouge ta chère. T'es timide, mignonne, y'a pas de hachma. Tu connais ça, qui remet ça. Le son, le son, le mal, le mal, le mal. C'est le son qui a moche. Belle, bonne, grosse ou moche. Billet dans la poche, c'est le son qui a moche. DJ Hamida numéro uno. DJ Hamida numéro uno. DJ Hamida numéro uno. Viens sur la piste, tout va fan cool. DJ Hamida numéro uno. Viens sur la piste, tout va fan cool. Amstram, gravit, picole, picole, tu te sens mal. Pour à l'hôtel, ratata. Ram, ram, ram, ram, ram, ram. Amstram, gram, picole, picole, tu te sens mal. Pour à l'hôtel, ratata. Ram, ram, ram. DJ Case invite DJ Amida au platine de Rail Suprême sur Skyrock. Oui, je me sers un revêt, DJ. Envoie ma zig, je me sers un revêt. Numéro 1 dans les clubs et les engins. Grosse pointure, loup boutin. On s'en va à la recherche du butin. Tu passes sans hein. Y'a trop de talons dans les alentours. Et on ne se demandait comment les rumeurs tournent. Génération Nabila, Bila, je suis pas dingue de toi, petite biatch, biatch. Amstram, gram, picole, picole, tu te sens mal. Bourre à l'hôtel, ratatam. Ram, ram, gram. Amstram, gram, picole, picole, tu te sens mal. Bourre à l'hôtel, ratatam. Ram, ram, gram. DJ, envoie ma zig, je me sers un revêt. Oui, je me sers un revêt, DJ. Barbé, on se lâche pas du regard. Les jolies demoiselles, on les invite à danser. Doré au soleil, mets les pieds dans l'eau salée. Jolies demoiselles, on les invite à danser. Doré au soleil, mets les pieds dans l'eau salée. C'est l'artiste baby, DJ Hamida. Calma, calma, viva la vida. Si le rap c'était du ham ham, j'aurais le rôle du sida. Même si t'es une bagra, viens c'est la corrida. One, two, one, two, three. Viva le Maroc, l'Algérie, l'Algérie, l'Algérie, l'Algérie, l'Algérie, l'Algérie, l'Algérie, l'Algérie. C'est l'artiste baby, DJ Hamida. Calma, calma, viva la vida. Si le rap c'était du ham ham, j'aurais le rôle du sida. Même si t'es une bagra, viens c'est la corrida. One, two, one, two, three. Viva le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. 1, 2, 1, 2, 3, viva le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé faire la fête et profiter du sunshine. Faut pas me prendre la tête. Paris, bye bye. J'm'envole pour Hammamet. Ou piège avec les size-size. Fuck la coke, les ambiances bizarres. Les délires de travelo, Paris bizarre. Là où je vais, pas besoin de visa. Pas de Youssef McDoum, qui se maquille le visage. Hey, hey, hey, hey. T'es devenu sexy, toi tu vas plus au bled, non tu vas au Mexique. Okay. Salut, Inch'Allah que t'attrapes le palu. Tu m'allumes, mais t'es pas taille. Pas le mec Nassi style. Chérie, approche qu'on s'enjaille. Souviens-toi l'été dernier. Tu m'as kiffé sur on fait les bails. On fait les bails, fait les bails, fait les bails. On fait les bails. T'es fou rail. Danse pour moi le vibe, vibe. Je te dirai bye bye. Allez monte avec moi. J'ai le fait, j'ai le fait. Ça chauffe dans ma tête. L'artiste Purple Money, DJ Case et DJ Amida au platine de Skyrock. J'ai une coup de fil et lila. Alta, alta, tu sais rouillard. La belle et j'aime ta belle. DJ Amida fait le party. J'ai une coup de fil et lila. Alta, tu sais rouillard. Swiffer, surfer, comme le blond d'un gad. Petit pas de danse comme Michael dans Bad. Wesh les camarades, on s'évade. L'album arrive, hit parade. Danse sans gêne, si t'as du swag sur la piste, on t'emmène. Danse sans gêne, c'est le son que t'aimes. L'album arrive, demande à double M. Son polo, polo, polo. J'fume plus d'herbe, j'suis plus trop écolo. Fuck les gigolos, les cougars en Ed Hardy. On fait la fête même le mardi. On fait les balles, et on recommence. On fait les balles, et on recommence. On fait les balles, l'album arrive. On fait les balles, on fait les balles. Des fous rails, danse pour moi le vibe, vibe. Où j'te dirai bye bye. Allez, me avec moi. DJ Case invite DJ Amida au platine de Rail Suprême sur Skyrock. J'ai comme une vision, la belle m'a choqué. On a tout ce qu'il faut là où il faut. J'ai cherché la collision, mais je suis resté bloqué. Non, je n'ai pas dit mon dernier mot. Elle a tout ce qu'il faut. Tu marches, c'est ton corps qui part. T'as quelque chose de spécial qui rend l'âme animale. Je sens l'instant bestial. Je veux tenir l'officiel. Fais de la place. Looping. Elle a tout ce qu'il faut. Elle a aucun défaut. Je vais pas finir solo. Elle m'a devenir officiel. Faites de la place. C'était des bêtises, pardon. Tu as du culot pour venir par ici. Regarde ça. Et moi tu parles que pour toi ça réduit. Ferme les yeux, c'est l'été. Ou fais comme si tu y étais. Hey, wapa picha. Faut pas t'inquiéter. Non. Dis-moi comment tu vas. Va, depuis remettez. J'suis super refait. Comme un fils d'épicier. روحي ولاد الترابندو جامي جامي جامي جامي كلمة واحدة جامي نولو سكاي واي واي مالي مالي 100% دعوة راهي نايضة دي جي كايز عم بيت دي جي اميدو بلاتين دو راي سوبريم سو سكاي روك 100% دعوة راهي نايضة راي سوبريم سو سكاي روك دي تونيز ا طنجي جترين ا كابري تور با تري لوان دالجي حميدو في كنتي عندي كلك شان وقيمه اليوم تبدلتي ما بقيتي صالحه لينا وراكتي عندي كلك شان وقيمه تبدلتي ما بقيتي صالحه لينا اش داني ليك واش داني ليك اش داني ليك ما انت ليا ما انا ليك واش داني ليك واش داني ليك واش داني ليك ما انت ليا ما انا ليك DJ Case débarque avec DJ Amida au platine de Skyrock. Baking soda, I got baking soda. Whip it. fast, nigga. I'm blowing money fast. I'm not in love with the four. DJ Kaze invite DJ Amida au platine de rail suprême sur Skyrock. Hamida, mix party, baby case. Depuis des mois ça parle sur moi. DJ Hamida, DJ Hamida, sans me connaître tu parles de moi. Damo, je vois ces gens sauter devant moi. Danser dans le noir, sur un son à moi. On est sur Paname, on est sur Paname. Rail suprême, Rail suprême, minuit 2h, Skyrock. Skyrock. On est sur Paname. On est sur Paname. Skyrock. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. Tu refais jouer les femelles pour main. Mon cœur qui s'emballe. Des bois, des chichas remplis de vandales. Je joue le blindé, mis à côté, gamos de taré. Bienvenue sur Paname. On détourne ta femme sans état d'âme. On est sur Paname. Si t'as pas dosé, c'est un scandale. Ici c'est normal. De claquer sa paye dans des Jordan. De la tête aux pieds, les gars sont soignés, là c'est contourné. Welcome to Paname. Pas de mesdemoiselles, que des mesdames. Pas fâché, y'a d'autres soirées. Agadirawa, Manzakinawa, Ashikidawa, Tchigemé Sahbe Mohamado. DJ Kaze invite DJ Amida au platine de rail suprême sur Skyrock. Ashikidawa, Tchigemé Sahbe Mohamado. J'suis polygame. Retiré, voilà ce verre barré et fumé. Bim, ho, la fête est Roya Kolo Kousu Kousu Salamana Mouye. Roya Hakele Linifé. Roya Hakele Linifé. Roya Hakele Linifé. Roya Rode de Banana. Agadirawa, Manzakinawa, Ashikidawa, Tchigeme Sahbe Mohamado. J'suis polygambo, Akawara, Allah be ma vie à Hazara. J'suis polygambo, Akawara, Ali yom ma'ti balakhis. J'suis polygam, abusé, c'est mon malheur, abusé. J'aime trop les femmes, abusé, c'est mon malheur, abusé. Même vous mesdames, vous vous amusez. DJ Kaze et DJ Amida, au platine de Skyrock. Polygam, j'ai l'abusé. Fatigué de chercher la bombe, ce que j'ai pas chez l'une, je l'ai chez l'autre. Elle me veut que le sexe et la somme, si l'amour est mort, c'est pas de ma faute. Elle aime collectionner les hommes. Trois numéros de téléphone. Allô chérie, rien que ça sonne. Cyclone en vue quand elle est dans la zone. Polygame, polygame, polygame, polygame, polygame, polygame, polygame, polygame, polygame, yeah, yeah, yeah, yeah. Oui mesdames, yeah, yeah, yeah, yeah. Connexion, toi et moi. Connexion, vraiment non sans soleil. Déconnexion, ma main sur ton crâne, je relâche la pression. Même ta mâché, il faut pas te cacher. Ton boulet chargé, tout comme ton passé. Tu n'es pas la seule, non, faut pas te fâcher. T'es fan de moi, mais tu vas te lasser. Fatigué de chercher la bonne, ce que j'ai pas chez l'une, je l'ai chez l'autre. Elle me veut que le sexe et la somme. Si l'amour est mort, c'est pas de ma faute. Elle aime collectionner les hommes. Trois numéros de téléphone. Allô chérie, rien que ça sonne. Cyclone en vie quand elle est dans la zone. Polygame. Polygame. Polygame. Pute, elle aime trop ça. J'ai dit pute, les gros lousons. Galanterie, Égérie,

Suprême. Rail Suprême. Minuit. 2h. Sur Skyrock. Rail Suprême. Sur Skyrock. Je suis sur la côte, y'a pas de blême. T'as du soleil et des nanas. Aucun videur peut me dire nanana. C'était chaud, c'est chaud. Voilà qu'avec lui c'est chaud. Chaud, c'est chaud. Y'a rien à dire, c'est chaud. Dans le VIP ils ont tout cassé. Bâti sur la table pour tout casser. Comme ce venturier t'as tout cassé. Amiga au platine. La banlieue est sortie. Grosse table au carré vide. Y'a des bonnes meufs et du pif. Oulala la. Oulala la. Oulala la. C'est prêt. Oulala c'est prêt. En mode c'est ça et pina colla. Amida, au platine de Skyrock. Rail Suprême sur Skyrock. Kevlar. DJ Amida. McNasty Star Rockets. J'ai encore du mal, j'enchaîne 4, 5, 6 heures du mat. T'as seul œil ouvert, dégage de pirate. Je verrai où la nuit me mène. Faut que je trouve un bon délire. Je m'en vais braquer mes rêves. Quitte à ce que je casse la tirelire. Je tourne et tourne sur moi-même. Je trouverai pas le sommeil. Peut-être à cause des problèmes. Et toutes les nuits c'est pareil. Mes voisins pètent un câble. Je peux pas rester calme. Je deviens insupportable. Car je suis insomniaque. Je vais m'occuper comme je peux jusqu'au jour. L'insomnie m'emporte et les cernes m'entourent. Je calcule pas, y'a pas de compte à rebours. C'est la même, c'est la même, c'est la même. Toutes les nuits, j'suis dans ma folie. Dans ma folie. C'est la même, c'est la même, c'est la même. Toutes les nuits, j'suis dans ma folie. Insomnie. avis sont falches. Ma voiture est à crédit, papier et cash. Tout je pense sur la destination de mes voyages. Trouver autre chose à faire. Et je vois vos langues pendant toute la journée. Tu ne me connais pas, tu fais que me juger. Celle-là c'est pour moi, je vous paye ma tournée. Faites une pause et laisse-les parler. Et dès comme hiver, je vais snapper, snapper. Je lâche pas l'affaire, tu vas jacter, jacter. Langue de vipère, je ne vends pas de rêve, pourquoi me jalouser? Rien de mal, je fais que m'amuser. Mix party 2016, la fusée. Suis-moi, je m'en vais. Et laisse-les parler. Laisse-les parler. Oui, laisse-les parler. Je sais ce que je vaux, donc laisse-les m'envier. J'ai dit, laisse-les parler. Laisse-les parler. Dans mon dos. DJ Case débarque avec DJ Amida au platine de Skyrock. De la casse, on connaît le DJ, l'ambiance de la casse. Jeffrey, ouais, remets-nous de la glace. C'est pas simple comme jamais, mais comme dernier de la classe. À ma table, que des fennecs et des lions de la classe. On connaît le DJ, c'est lui qui ralasse. Le patron, ça nous a fait comme des stars. DJ Hamida veut régler ça à coup de schlasse. Et comme d'habitude, ça va finir chez les stars. Yeah. Et si l'argent t'a promis, l'argent t'a menti. Les gens aiment l'argent, mais l'argent n'aime pas les gens. Et tu peux garder la monnaie, l'argent n'aime pas les gens. Garder la monnaie, mais l'argent n'aime pas les gens. Trop d'argent peux-tu, mais y'en a jamais assez. Trop d'argent peux-tu, mais y'en a jamais assez. Trop d'argent peux-tu, mais y'en a jamais assez. Trop d'argent peux-tu. Oui, là j'en aime pas les gens. 24 carats au poignet, jolie montre, okay. Mais pas le temps. À force de côtoyer les billets, j'ai pillé, j'ai coulé plus. Pas le temps. À force de côtoyer les billets, j'ai pillé, j'ai coulé plus. Pas le temps. À force de côtoyer les billets, j'ai pillé, j'ai coulé plus. Pas le temps. L'euro m'a banni, j'ai paniqué, paniqué, perdu mes cheveux, ça m'a stressé. À force de côtoyer les billets, j'ai pillé, j'ai coulé plus, l'argent m'a vexé. L'euro m'a banni, j'ai paniqué, paniqué, perdu mes cheveux, ça m'a stressé. Bête et méchant, dites aux gens. Bête et méchant, dites aux gens que l'argent n'aime que l'argent. J'ai cavalé, cavalé, j'en plus mes jambes. J'ai tenté ma chance, mais l'argent n'aime pas les gens. Et tu peux garder la monnaie, l'argent n'aime pas les gens. Garder la monnaie, mais l'argent n'aime pas les gens. Trop d'argent peut tuer, mais y'en a jamais assez. Trop d'argent peut tuer, mais y'en a jamais assez. Trop d'argent peut tuer, mais y'en a jamais assez. Trop d'argent peut tuer, oui l'argent n'aime pas les gens. Le wali, l'argent n'aime pas les gens. N'aime pas les gens. Le wali, on fout allié. Le wali, on fout allié. Le wali m'a déshabillé. Le wali m'a déshabillé. Allez, compte, compte, compte, compte, compte, compte, compte des dollars. Allez, compte, compte, compte, compte, compte, compte. Mais l'argent n'aime pas les gens. Et tu peux garder la monnaie. L'argent n'aime pas les gens. Garder la monnaie. Oui, l'argent n'aime pas les gens. Toi qui a voulu monter dans de belles que ses pipes sur le tour d'un footballeur. Elle t'a collé la petite, elle a trop d'appétit, elle bouffera jusqu'à la mort. Elle a prévu la retraite au tropique au soleil. T'inquiète pas qu'elle gère les pailles. Si sa copine est d'accord, elle peut te l'être. T'auras pas de médaille. Elle veut une somme interminable. Riche ou bourgeois, là c'est Milan. Elle veut une somme interminable. Riche ou bourgeois, là c'est Milan. Chaud, c'est chaud. Voilà qu'avec lui c'est chaud. Bien sa pâte la console. Elle ne fréquente que des bons hommes. Dis-moi ceux qui ne dépensent que des grosses sommes. Elle a le regard qui te tire dessus avec un casque intégral. Elle a passé le bouton direct, elle râle. Pour la satisfaire faudrait lui passer le Graal. Mais voilà, je serai pas sa cible. Cœur verrouillé, je suis inaccessible. Je suis au quartier, je vais casser ma cime. J'appelle Hmida, je me taille au bled. Parce que c'est chaud, c'est chaud. Voilà qu'avec lui c'est chaud. pas se fiancer. C'est malin, elle veut pas s'ambiancer. T'es malin, je veux pas te financer. Encore moins te câliner ou te présenter. Un membre de la MIF, je réponds enchanté. Voilà qu'en vrai t'es bon qu'à changer le charbon. Elle est grande, toi, elle a toujours la santé. Elle vous laisse pas faner sur le monde. Dubaï, Tokyo, Milan. On va danser toute la night, ça pêche. Moi je suis plus un muskin, non, ça pêche. Merengue ou flamenco, les congas, les bongos, Sénégal et Congo, ça pêche. Amido c'est un standard, c'est la base. L'artiste c'est un standard, c'est la base. Runtown c'est un standard, c'est la base. Dans le monnaie sous les tendards, c'est la base. On fait bouger même les gendarmes. Ouais. Remonte ton slim, on voit ton tanga. Ouais. Je vais mettre ton boule dans l'agenda. Ouais. On fera des soirées agendas. Ouais. La gola est trop quand t'es loin. De Skyrock. C'est Rai Supreme ce soir avec DJ Amida qui est au contrôle case. Ça va bien la session, très très bien. Grosse et lourde session, bravo Amida. Merci à toi. Ça me fait un petit congé là. On a tout ce qu'il fait le soir. Ouais, c'est ça. Lourd, en tout cas, bravo pour son nouveau projet. On lui souhaite beaucoup de succès. Mix Party et 2016 est dans les bacs, ça y est. Ça nous arrive aussi de nous croiser aussi dans les dates, dans les soirées au Maroc, un peu partout. Toi d'ailleurs, en parlant de soirée, un petit point sur les soirées, Case, tu en as là sur la semaine qui arrive. Ouais, le vendredi 29 avril, je suis au Maroc à un festival, c'est du côté de Rabat. Le samedi 30 avril, c'est à Paris à la Joya. Et ensuite, voilà, toutes les dates sont sur les réseaux sociaux. Pareil, Amida, aussi, pour retrouver. Moi, je toutes mes dates sur mes réseaux sociaux. Voilà, tu peux la page Facebook, DJ Espace Amida HMDA. Donc voilà. Allez justement profiter un petit peu de toutes ces soirées avec Amida ou avec Case. J'ai jamais fait des soirées en commun tous les deux. C'était en cours. Il y a longtemps, je crois. Ouais, si, il y a longtemps, ouais. Si, ouais, on a déjà fait. Mais là, Zali Twist. Ouais, c'était en 2006. 2006, ouais. Ah ouais. Et du coup, moi, quand des fois je suis dans le nord, lui il est dans le sud, ou quand je suis en Algérie, il est au Maroc et vice versa. Et du coup, vu qu'on est booké toute l'année, on a du mal à se croiser. Voilà, à se croiser dans les. dans les concerts, mais ça sera à faire, Inch'Allah. Et bah, à suivre. Donc, Hamida, tu restes parce que maintenant c'est Case qui va reprendre les platines. Vas-y, y'a pas de soucis. Voir s'il est, si lui a mis la pression ou pas, voir si il peut monter encore plus. Il va monter, il va monter. Ah, j'ai pas de doute. C'est un sacré monteur. Vers la fin, on monte tout. Ah bah, sinon tout vers la fin. On est parti, Case. Allez, coup d'envoi, la suite de Rail Suprême avec DJ Case cette fois-ci au platine. Rail Suprême, l'hashtag c'est Rail Suprême sur Skyrock. Rail Suprême, DJ Case t'ambiance avec tous les sons du moment. C'est Skyrock. Mola, il fallait rester chez toi. Faut pas nous gâter la fête, hein. Faut pas nous prendre la tête, hein. Et depuis je te vois, on dirait que tu n'as pas l'air dans ton assiette, hein. Papa, si ça ne va pas, tu peux toujours aller te coucher. Parce que ici c'est la fête et tout le monde a l'obligation de bouger. On est là pour s'amuser, on est là pour s'enjailler. Même la police ne va pas nous arrêter, c'est jusqu'au matin qu'on va travailler. Il y a beaucoup de petites, fais ton choix. Si tu ne sais pas comment faire, récupère la petite, angoissez la petite, bella. Et maintenant coller la petite, coller. Stop him. poil façon Aladdin. Oh les mains, oh les mains, sauf les mecs ça fait en bas les mains. mis les chaussures croco mais sans chaussettes. Ah non, ça c'est grave. Ouais, je suis bien. Le vrai, c'est sur Skyrock. Willy Willy, Willy Willy, Willy Willy, Willy Willy, Willy Willy, ناري ناري ورقوك عليا واش هذا الفراق صعيب والرطاز غبيا يا لي بويا واش كل بلا ويلي ويلي وعوجوك عليا واش هذا ناري ناري ورقوك عليا واش هذا الفراق صعيب والرطاز غبيا ريس سوبريم مينيو 2 اكس راي دي جي كي سور سكاي روك. Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa. Guys! Suprême, c'est déjà fini ce soir. Merci messieurs, vraiment. Yes. C'était bon. Hein. Ouais, très très bien, on a passé un super bon moment. Des belles sessions avec DJ Amida, avec DJ Case qui était là évidemment. En mode soirée, en live de Skyrock, Rise Suprême. Merci d'avoir été avec nous. Du coup, tout à l'heure, quand t'as, excuse-moi t'interrompre, quand t'as dit ouais, vous avez déjà fait une soirée ensemble, là on l'a fait en fait. Eh ben ça y est, c'est vrai. Il t'a fallu une session pour que ça monte au cerveau. Ouais, j'étais en train de comprendre qu'on mixait ensemble. C'est ça, en fait. Oh, bah merde, c'est maintenant. Ouais. Bah ouais, c'était maintenant en tout cas. Peut-être qu'on retrouvera d'ailleurs cette émission, tu vas la remettre sur, bien sur sûr, tes pages. Ouais, on va la faire partager sur les réseaux, sur les Facebook, sur tout ça. Donc, et même on va la mettre en download et tout. Donc voilà. Merci à vous messieurs, Amida. Merci. Dans les bacs, on te retrouve Mix Party et puis dans toute la France, pareil, puis même ailleurs, hein, dans le monde entier. Dans le monde entier. Case, bientôt yes. Dans les bacs, ça ouais, arrive aussi. Ça arrive aussi, ouais. Et puis en soirée, pareil, partout. C'est ça. Comme ça, là, pour le moment, là, il y a du Amida, après il y aura du Case, et cet été, on sera là tous les deux. On va être bien, c'est ça. Merci à vous, en tout cas, de nous donner autant de plaisir sur Skyrock. Nickel. Et un peu partout. Rise Suprême revient dans une semaine. Ciao, ciao, merci, bonne soirée. Ciao. Le son, c'est reparti. Rap R&B non-stop. Bonne fin de week-end, ciao.